Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Yannick Rudeau. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Le podcast est soutenu par la NEF, coopérative bancaire éthique, qui finance exclusivement des projets à impact positif depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, la NEF a lancé le Big Bank. C'est un mouvement pour créer la première banque éthique et indépendante française. Ils sont déjà plus de 47 000 à y croire. Je vous invite à rejoindre le Big Bank sur jeparticipeaubigbank.com. Et c'est un partenariat qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, des personnes inspirantes comme Yannick. Aujourd'hui, je suis heureux de te donner la parole, Yannick. Toi, tu es cofondateur des éditions de la Mer Salée et bien plus encore. Cette maison d'édition, elle a pour objectif d'inviter les lectrices et les lecteurs à explorer un monde nouveau, tout en proposant une fabrication à la fois locale et écologique, on y reviendra. Ensemble, nous allons donc parler de la vie d'un livre, des histoires qu'on se partage, mais aussi de cohérence et d'humilité. On commence, si tu le veux bien, Yannick, par la question que je pose à tous et à toutes mes invitées en début d'interview. Tu es à un événement où tu rencontres des personnes que tu ne connaissais pas jusqu'alors. Arrive la question fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Tu leur réponds quoi? Je leur réponds modestement que j'essaie de contribuer à faire en sorte que ce monde aille mieux, par mes conférences, par mes livres et par mon métier d'éditeur. Quand on regarde ce que je fais, puisque la porte d'entrée des 2030 Glorieuses et de ce podcast en particulier, c'est vraiment une porte d'entrée métier. Moi, je pars du principe que les métiers de demain existent déjà, contrairement à ce qu'on dit à nos jeunes dans les écoles, au moment de l'orientation. Et du coup, en général, notre CV en ligne, maintenant, notre identité professionnelle se retrouve notamment pas mal sur LinkedIn. Je vois que toi, tu te présentes avant tout comme un éditeur engagé. En creusant un peu sur Internet, ensuite, on peut lire que tu es souvent présenté comme décloisonneur intellectuel. Si jamais tu devais te donner un intitulé de métier quand même, ce serait quoi? J'ai envie de dire que je donne de l'espoir aux gens. Je suis peut-être dealer d'espoir, dealer d'optimisme, dealer de lumière. Je deal de la lumière parce qu'en fait, ouais, tout ça, c'est des appellations décloisonneurs intellectuels. Je ne sais pas ce qui m'était passé par la tête il y a 15 ans, mais j'en avais marre des gens qui cloisonnaient les choses et qui les saucissonnaient, qui n'étaient pas complexes et systémiques. Donc, j'expliquais que moi, j'allais les aider à décloisonner les choses parce qu'à l'époque, un ami voulait créer l'Institut du décadrage en plus. On trouvait ça drôle comme idée. On voulait faire ça, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, souvent, on m'a dit que j'arrivais à éveiller les consciences, les gens prennent conscience de quelque chose. Mais plus ça va, plus je pense que j'apporte de la lumière, de l'énergie. Tu reparles souvent de cette notion de lumière, et si je me trompe pas, c'est toi qui souvent a cette expression « heureux les fêlés qui laissent passer la lumière ». Alors, c'est pas de moi, non, j'ai pas trop cette expression, mais là où je te rejoins, c'est que dans l'obscurité, en fait, mon propos est d'expliquer que dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. C'est que les deux sont indissociables, et dans notre binarité occidentale, on a tendance à opposer l'obscur au clair, alors que le clair-obscur, c'est la vie. Sauf qu'il y a des moments dans la vie où le curseur devient plus obscur, et la luminosité s'éteint, c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques années, quelques mois, et l'actualité nous rattrape à ce propos, mais la lumière reviendra. L'idée, c'est pas de minimiser l'obscurité et la souffrance des uns des autres, c'est de leur dire ne lâchez rien, parce que notre attitude, nos postures vont faire que cette lumière reviendra inévitablement. Car l'un et l'autre jouent une sorte de danse où par moments c'est l'obscurité qui prend le dessus, parfois c'est la lumière. Et c'est très important d'avoir toujours ça en tête. Et plus il fait sombre, plus il faut aller chercher les fêlures, par où passe la lumière, c'est là où je torche. On va se concentrer sur l'une de tes nombreuses casquettes qui, j'ai l'impression, est peut-être celle qui occupe le plus de ton temps, celle d'éditeur et d'éditeur engagé notamment. Moi, ce qui me trotte quand même dans la tête avant de nous lancer sur l'activité de la mer salée et ton quotidien d'éditeur, c'est comment on peut passer d'une personne qui était présentée comme spécialiste des marchés financiers, rien que tu vois, j'ai besoin de me concentrer pour le dire tellement ça me paraît quand même assez difficile à croire. Je t'ai pas vu moi intervenir sur BFM TV, Bloomberg et tous ces trucs, mais comment on fait ça, et si justement on t'a pas traité de fêlé toi aussi au moment où t'as dit non allez je vire ma cutie, je me lance dans l'écologie? Oui, en fait, j'ai aucune honte de ce que j'ai fait par le passé, parce que certains parfois pourraient dire oui, c'est un ancien trader repenti, ce qui est totalement faux. J'ai pas été trader, j'étais journaliste économique et financier. J'ai jamais fait fortune en bourse. Moi, j'ai laissé toutes mes petites économies, parce qu'en particulier, ne gagne jamais, de toute façon. Et effectivement, je passais sur la radio BFM, Bloomberg, je travaillais pour Le Figaro, Le Monde, le journal Les Échos, Journal des Finances. Mon quotidien, c'était les varants, les bons de souscription, les actions, les obligations, les taux d'intérêt. Et j'avais une petite activité spéculative à titre individuel. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que dans notre couple avec Sandrine, qui était plus engagée que moi plus tôt, il y a eu une espèce de conflit interne où elle ne comprenait pas ce que je faisais. Et moi, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Quand elle me parlait des ONG comme Greenpeace, je lui disais, mais ils ne comprennent rien à rien, ils sont nuls en économie, ces gens-là. Donc, c'est moi qui ai raison. Et au fur et à mesure, il y a eu un travail de fond où j'ai commencé à l'écouter, à me remettre en question. Et puis un jour, je lui ai dit, t'as raison, faut que j'arrête. Et j'ai complètement changé de vie, et j'ai décidé de tout changer, et d'arrêter la bourse, d'arrêter la spéculation, d'arrêter cet aspect économique, et de me poser des questions sur comment l'économie peut aller vers la lumière, comment on peut sortir par le haut, et comment est-ce que dans mon métier, dans la finance d'abord, puis après dans l'économie, il y a des gens qui œuvraient à ce que ce monde aille mieux, au niveau écologique, social, et au niveau de la biosphère, bien sûr. Et donc, c'est une mutation lente avec une progression brutale. Et puis après, il a fallu que je me forme sur le tas parce qu'il n'y a pas d'école de formation à ça. Il y a quelques formations aujourd'hui comme l'Institut du Futur Souhaitable et bien d'autres choses. Mais il n'y a pas vraiment de diplôme qui nous prépare à comprendre les enjeux des impacts du climat et de l'effondrement de la biodiversité sur nos vies et sur l'économie en général. J'ai quand même l'impression d'avoir face à moi un spécimen d'études presque, et du coup j'ai envie de creuser un peu cette question-là. Je me rappelle d'une soirée, d'une conférence au ministère de l'écologie. À l'époque, le ministre était François de Rugy, qui disait « Je ne crois pas à l'écologie punitive, je crois à l'économie et à la croissance. » Et il disait vraiment, il utilisait le mot de croire et qui va donc derrière ça, avec l'idée de croyance, avec l'idée de cette grande histoire qu'on se raconte liée à cette question de l'économie qui générait de la croissance et du fait que c'est ce dont on a besoin pour vivre mieux. Est-ce qu'on peut s'arrêter dessus, sur cette idée de croyance? Est-ce que toi, tu étais pratiquant, tu étais croyant pratiquant de cette économie qui pouvait irriguer le monde, le faire aller mieux? Et comment t'étais tombé dans la marmite, comment t'as réussi à te désintoxiquer ça? Est-ce qu'il a fallu des arguments? Est-ce que, comme tu le dis, c'est Sandrine, c'est l'amour de votre couple? Comment on passe d'une croyance à une autre? Ouais, alors tout à fait, je pense que je suis dans une forme de croyance, parce que comme tous les jeunes qui avaient fait une école de commerce, qui était mon cas, j'étais formé à l'école du capitalisme, c'est-à-dire, une entreprise, elle est là pour se développer, elle est là pour générer des profits, les profits seront redistribués aux actionnaires, et tout ça est vertueux. C'est vraiment le capitalisme à l'état pur qu'on enseigne dans les écoles. Et déconstruire cette vision du monde, c'est pas simple. Et aujourd'hui, ça me sert quand je m'adresse à des dirigeants d'entreprise ou à des cadres, parce que je sais de quelle manière ils réfléchissent. Et je sais combien c'est difficile pour eux d'imaginer une autre économie, une alter-économie, une économie alternative. Ça, c'est important d'être passé par là, à mon avis. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à sortir de cette croyance et à m'ouvrir à des choses qui me gênaient, hein, que je rejetais, parfois je balayais ça d'un revers de la main, quoi. Pour moi, la décroissance, c'était même pas envisageable il y a encore quelques années. Eh bien, je crois que il faut être traversé par une émotion. Et moi, l'émotion qui m'a traversé un jour, c'est la honte. En fait, la honte d'être un pion d'un système qui détruisait le vivant, qui détruisait la biodiversité, qui participait à détruire ce que j'aime, en fait. La vie, la nature, l'humanité. Et le jour où on a honte, on change. D'autres, ils vont être frappés par une révélation lumineuse, l'amour, certains par une envie d'être utile en ce monde. On a tous une émotion, parce que l'émotion, ça vient du latin, mettre en mouvement, hein, c'est le mouvement, l'émotion. Et cette émotion m'a mis en mouvement, elle m'a permis de bifurquer. Mais la bifurcation n'a pas été brutale en ce sens que je n'ai pas rejeté le capitalisme d'un bloc en disant c'est du grand n'importe quoi, il faut absolument aller vers la décroissance. Il m'a fallu un temps progressif de déconstruction et petit à petit, j'ai envie de se dire, on se radicalise un peu. C'est-à-dire que progressivement, on affirme, on affûte ces idées et on va vers des idées qu'on n'aurait jamais imaginées 10 ans avant. Donc il y a une prise de conscience, il y a un effondrement des croyances et on change de comportement. Et puis, il y a les lectures et les rencontres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert dans les années 2010 l'effondrement des grandes civilisations, genre Diamond, Collapse, et qu'après je me suis intéressé à l'histoire de la Renaissance, je me suis rendu compte que la croissance infinie, c'est complètement hérité de nos ancêtres. La découverte des Amériques et le monde est infini, on va croître éternellement. Et ça fait 5 siècles qu'on l'a dans la peau, mais ça peut changer. Et c'est à ce moment-là que tu as écrit le livre, moi, qui m'a fait te découvrir La Nouvelle Controverse, pour une nouvelle controverse. Alors, la nouvelle controverse, tout à fait, c'est en 2012 que je l'ai écrit, il est sorti en 2013. Donc c'était un plaidoyer pour une nouvelle controverse où l'être humain allait discuter et controverser sur « avons-nous le droit d'exploiter la nature au profit de la croissance économique mondiale ?» comme nous l'avions fait à Valladolid au XVIe siècle, où la question était posée « l'être humain occidental a-t-il le droit d'exploiter les Amérindiens pour les réduire en esclavage ou les Africains ?» Et on connaît la décision qui a été prise. Mais bien avant la controverse, 5 ans avant, en 2007, j'avais fait un travail d'ouverture d'esprit qui s'appelait L'Alter Entreprise, qui est un livre que j'avais écrit chez Duno, et où je commençais à balayer ce qu'on appelle la RSE, le développement durable, et en expliquant que les actionnaires allaient réclamer des dividendes écologiques et émotionnels. Je crois que je m'étais un peu avancé. C'est plus long que je ne le pensais à l'époque. J'étais très, très enthousiaste, j'avais 34 ans, 35 ans, et maintenant je sais que ça va prendre du temps. Ça avance, mais on est encore loin du compte. Est-ce que finalement, c'est de manière assez stratégique, pesée, raisonnée, que tu t'es dit, ben voilà, moi je sors de cette histoire implacable qu'on m'a soumise comme une vérité au sortir de l'école de commerce dont tu disais que là-bas, tu avais appris le béaba de l'économie capitaliste comme une, ouais, comme une vérité, comme une lumière qui devait éclairer ton chemin. Et tu t'es dit, tiens, il faut proposer d'autres histoires, il faut proposer d'autres potentielles vérités. Est-ce que ça s'est fait de manière vraiment froidement calculée? Parce que tu parlais de ton rôle d'auteur, tu parles de ton rôle de conférencier. J'ai l'impression qu'avec l'édition, c'est un peu le boss final, ou en tout cas le levier final qui permet de propager ces histoires, ou est-ce que finalement tu as tiré un fil qui t'a emmené là-bas malgré toi? Il y a une volonté qui est de trouver une solution. Une fois qu'on a pris conscience que l'histoire qu'on nous a racontée avec un H majuscule n'est pas la véritable histoire, et que ce mythe d'une croissance infinie c'est mortifère et que ça nous emmène droit vers un effondrement généralisé de l'écosystème, moi je me suis tout de suite lancé dans la recherche de solutions alternatives. C'est comment on va faire? Comment on va faire pour réparer et régénérer la nature d'une part, mais comment on va faire aussi pour bâtir une économie au sens habiter le monde, hein. L'économie ça veut dire habiter le monde, l'économia c'est la gestion de la maison, comment on va habiter le monde de manière la plus saine et la plus respectueuse de la biosphère et des limites qui nous sont imposées. Et à partir de ce moment-là, moi j'ai commencé à réfléchir à c'est quoi les solutions. Et j'ai découvert des choses dont on ne m'avait jamais parlé quand j'étais étudiant, par exemple l'ESCOP, l'économie sociale et solidaire. La NEF est ton partenaire. À la NEF, on n'en a jamais parlé à l'école. Bien sûr, ils n'étaient peut-être pas encore actifs à l'époque, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans les écoles de commerce, on parle d'économie sociale et solidaire, on parle de SCOP. Non, on continue à parler de SARL, de SAS, et en cours de finance, on apprend à monter une SAS, une SARL. Et ça, c'était un choc pour moi dans les années 2004-2005, où je me suis rendu compte que, d'une part, il existait des gens qui faisaient de l'investissement socialement responsable, de l'investissement éthique. Depuis 1930, aux États-Unis, ça existe, l'investissement éthique. Et d'autre part, qu'il y avait des formes d'entreprises coopératives. Là, c'était le début d'une... Je me dis, mais c'est génial, ça, les SCOP. C'est l'entreprise de demain, la SCOP. Et puis, de fil en aiguille, tu creuses. Et après, ce qui m'a paru important, c'est de structurer le discours de façon à ce que ce soit le plus rationnel possible pour convaincre des gens rationnels qui, en face de moi, pensaient que la croissance était rationnelle. Donc, pour les aider à déconstruire leur vision du monde, il faut être aussi rationnel qu'eux. Il faut leur démontrer que finalement, le mythe de la croissance infinie est totalement irrationnel, totalement inconscient. Et d'ailleurs, si nous étions des sapiens sapiens, des hommes sages et raisonnables, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté cette économie mondiale et qu'on serait passé à une économie de la réparation, de la régénération. Et quand tu expliques aux gens ça tout simplement, ils disent « bah oui, effectivement, on est fous ». Donc il faut avoir des arguments extrêmement construits et rationnels pour convaincre les plus sceptiques et les plus cyniques, j'ai envie de dire. Et puis il y en a certains qu'on n'emmènera jamais, parce qu'ils sont... ils sont dans une sorte de psychopathie où ils se moquent éperdument des conséquences qu'auront leur modèle économique et leur façon de se comporter. Moi, tu parles d'éléments rationnels et en même temps, là, avec les éditions de La Mer Salée, vous travaillez à diffuser des fictions en not-fiction qui n'ont rien de rationnel. Alors, rien de rationnel, si, parce que si tu... la fiction, en fait, il y a deux choses. Nous, on est convaincus avec Sandrine que la fiction fait le monde. Les fictions des années 40-50, c'est Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur Clarke, c'est tout l'univers onirique des GAFAM, et donc ils nous ont fait un monde de science-fiction, et ils continuent, Elon Musk souhaite aller sur Mars, Jeff Bezos veut construire des vaisseaux spatiaux qui ressemblent à Star Trek, ils sont complètement dans les fictions d'adolescents. Donc nous, le parti pris, c'est de se dire, on va faire de la fiction où l'homme s'est réconcilié avec la nature, l'humain s'est réconcilié avec la nature, où on construit autrement, où on vit autrement, on mange autrement, on a remis le travail à sa place, on a remis l'argent à sa place, bref, une autre économie, une autre façon d'habiter le monde, et c'est rationnel, pourquoi ? Parce qu'il y a des peuples dans le monde qui vivent déjà autrement. Quand on regarde les Indiens, les Amérindiens, que ce soit les Kogis ou les Yamomami et autres, bien sûr, c'est pas une civilisation qui envoie des fusées dans l'espace, mais ils ont une autre façon d'habiter le monde. Et entre eux, cette vie animiste, très simple, connectée au vivant, vibratoire, et la nôtre, il y a sûrement une troisième voie à explorer. Et quand on voit les limites planétaires, ce qu'elles nous imposent aujourd'hui, il est évident que cette troisième voie, on est condamné à l'explorer. Sinon, c'est la fin de l'humanité dans un avenir relativement proche, c'est-à-dire quelques décennies où on sera très peu nombreux parce que la Terre sera plus habitable. Donc rationnellement, ces fictions, elles ont du sens, si on est logique. Pour moi, l'irrationnel, c'est de continuer à maintenir un bout de bras, un système économique mortifère qui détruit la vie. Et en plus, vous vous êtes dit que ces histoires qui avaient du sens, il fallait le faire de manière sensée. Je m'explique, moi qui ai la chance d'être auteur depuis quelques années, je suis toujours plus ébahi de voir à quel point même les maisons d'édition que je vois y est, je le dis au passé, je l'assume comme engagé. Ben, je me suis rendu compte qu'en fait, elles n'arrivaient pas à se départir des règles du jeu, du modèle capitaliste libéral qui s'impose au milieu de l'édition, au milieu du livre, avec une surcompétition, avec certains gros auteurs à privilégier dans les médias pour derrière pouvoir financer d'autres potentiels auteurs qui sont moins connus, avec l'idée de donner plus de place à la renommée qu'au contenu des livres, etc. etc. Et sans parler même... Et on pourra revenir dessus, peut-être que tu as des chiffres, sinon je pourrais en donner quelques-uns, mais la fabrication même des livres, comment ils sont stockés, comment ils sont déplacés, comment ils sont détruits, c'est en fait le capitalisme est partout et là en l'occurrence le grand gâchis il est même dans le livre qui pour moi est un peu cet objet sacré qu'on échange, qu'on prête, qu'on troque, qu'on accumule aussi. Et moi mon problème, c'est mon dernier problème je crois que c'est que j'arrive pas à me départir de cette addiction au livre et je les regarde, là ils sont à côté de moi, ils recouvrent déjà tout un mur, je peux pas m'en empêcher, pour moi le livre il a une place primordiale dans ma vie et je pensais pas que ça pouvait être aussi un simple rouage de la croissance économique. Bah, c'est une sainte addiction, j'ai envie de dire, le livre, que tu sois un gros consommateur de livres, c'est plutôt sain parce que derrière, ça veut dire que tu te nourris beaucoup au niveau de l'esprit et ça, on en a tous besoin aujourd'hui. Après, il est vrai que le marché du livre, comme tous les autres marchés, est devenu un marché extrêmement commercial en ce sens qu'il y a une surproduction. En France, de mémoire, c'est 6 000 livres par mois à peu près qui sortent, dont 500 pour la rentrée littéraire. Il est bien évident que les libraires peuvent pas tout mettre en magasin et tout vendre. Du coup, comme une surproduction, tu en as parlé, il y a énormément de gâchis. Il faut savoir qu'une maison d'édition, généralement, imprime 2-3 000 livres pour tâter le terrain, et puis si s'en vend que 1 000, les 2 000 restants, bah, ils vont partir au pilon, on appelle ça, ils sont broyés. Et c'est un grand gâchis écologique, c'est un grand gâchis, on va dire, même intellectuel, parce que détruire un livre, c'est jamais anodin. Hein. Les dictatures font des autodafés, là, on n'en est pas là, bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire, mais... C'est quand même un geste de détruire un livre, c'est pas anodin. C'est pas comme. Et d'ailleurs, on le sait pas, on le voit pas. Hein. Moi, j'avais pas d'image. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de. Je sais pas comment le dire, mais symbolique que les maisons d'édition n'assument pas, en fait. Hein. Mais la problématique, c'est que le modèle fonctionne comme ça parce que ça prend de la place de stocker sur palette des livres. Et si t'as 50, 60 titres dans ton catalogue et que t'as 70 palettes qui traînent dans un hangar, ça coûte. Ça fait des frais, et donc ils préfèrent détruire ces livres plutôt que d'en imprimer moins, parce que si on en imprime peu au lancement, bah, y a un coût économique plus élevé à l'unité. Nous, le parti pris qu'on a fait à La Mer Salée, c'est de se dire, on va essayer d'être dans la juste quantité au lancement, donc 2 000, 2 500, exemplaires, on lance, on fait un placement, on tâte le terrain, et quitte à réimprimer des petites quantités. Ça nous coûte plus cher à l'unité, on marge moins en fin d'année sur l'ensemble des livres, puisqu'on a fait des petites séries, mais au moins, il y a moins de pertes. Et si un livre ne marche pas, nous, on les passe pas au pilon, on les récupère, on les stocke. Certains méritent d'être mis dans le circuit parce qu'ils sont vraiment pas abîmés, et d'autres, on va les donner à des associations. Là, j'en donne actuellement à l'Abel Emmaüs, puisqu'ils font un gros travail de librairie. On en donne à des étudiants, on en donne à des assos de quartier, on en donne à des prisons, on en donne partout où on peut en donner, parce que ces livres, il faut qu'ils vivent. Et ça nous coûte, hein, de les donner, parce que quand tu les passes pas au pilon, tes livres, c'est-à-dire que notre distributeur qui les stocke, on lui dit « renvoie-nous les palettes ». Et on paye les frais de transport, ce qui est logique, on paye le transport pour que les livres reviennent à la maison, et puis après, parfois, on paye l'envoi à des gens à qui on les donne. Mais c'est un choix éditorial et c'est un choix éthique. On n'imagine pas de passer tous ces livres au pilon, mais on peut le faire aussi parce qu'on a un petit catalogue. On publie 4 à 5 livres par an. On n'en publie pas 50. Eh bien, tu vois, j'allais te poser la question de vos fiertés à la Mer Salée. Donc, tu dis des livres imprimés de manière raisonnable et raisonnée, une collection réduite où vous privilégiez la qualité à la quantité. Et quelles sont vos autres fiertés? En fait, de manière générale, alors effectivement, il y a le process, tu en as un peu parlé, donc on a un process le plus écologique possible, c'est-à-dire qu'on prend du papier européen, on a un designer nantais, une directrice de créa nantaise, on a des gens qui font de la composition, sont basés à Rosay à côté de chez nous, on imprime dans un rayon de moins de 100 km, on est très attentif à l'encre, à tout ce que l'on peut faire pour vraiment que le livre soit le plus propre possible, pas de vernis, pas de choses comme ça sur les couvertures, pour qu'il soit facilement recyclable s'il était recyclé. Et puis après, il y a aussi la ligne éditoriale. Et ça, c'est une fierté, c'est-à-dire qu'on est capable, et je te mens pas quand je dis ça, de refuser quelqu'un qui vendrait énormément de livres, mais qui ne correspondrait pas à nos valeurs. Soit des valeurs humaines, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement désagréable, de méprisant, qui nous plaît pas, on publiera pas. Soit son sujet ne rentre pas dans notre ligne éditoriale. Et donc, même si la personne vend 30, 40, 50 000, 100 000 livres, ce qui serait inespéré pour nous, il rentrera pas dans la troupe. Parce qu'il faut que ce soit cohérent avec ce qu'on veut faire et cohérent avec les personnes que l'on est. Et ça, c'est quelque chose qui est pas négociable. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu décrivais comme un milieu très capitaliste, il y a encore des maisons d'édition, et on n'est pas les seuls, hein, à avoir une ligne extrêmement bien tenue et à savoir avec qui on veut travailler et à qui on ne travaillera jamais. Donc sur le fond, sur la forme. Exactement. Est-ce que vous avez des angles morts? Je pense que comme tout le monde, l'angle mort, c'est qu'on doit rentabiliser les livres qui sortent. Donc notre angle mort, c'est qu'on est obligé de demander de l'aide à des fondations, à des mécènes, à la région, à l'ADEME, pour pouvoir publier nos livres. Et en fait, c'est toute la problématique, c'est que quand tu veux faire les choses le plus proprement possible, le plus écologiquement possible, tu te mets des contraintes et des coûts beaucoup plus élevés que si j'imprimais mes livres en Tchécoslovaquie ou ailleurs. Et du coup, ça veut dire qu'on rentre dans un modèle de subventionné. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore la recette pour ne pas être aidé et vivre de nos propres ailes. Ça va dépendre des tirages qu'on va faire dans les prochaines années. Et c'est là où on retombe sur l'aspect commercial. Il faut que dans toutes mes maisons d'édition, il y ait un ou deux livres qui se vendent à plus de 10 000 exemplaires pour pouvoir payer le reste. Est-ce que ça ne serait pas finalement, Yannick, l'angle mort de ton angle mort, de penser que l'autonomie viendra du succès commercial? Moi, j'ai vu des maisons d'édition qui, en fait, normalisaient le succès, normalisaient l'autonomie et donc cherchaient toujours un peu plus et toujours un peu plus de ventes et toujours un peu plus de prestige qui va avec, parce qu'après, on peut concourir pour les prix et tout ça. Est-ce que finalement, ce système d'entraide que vous êtes en train de créer parce que vous avez besoin d'ambassadeurs, parce que vous avez besoin de mécènes, c'est pas finalement ce qui vous permettra d'être le plus résilient à l'avenir, parce que vous n'êtes pas dépendant d'un hypothétique succès. Vous avez des gens qui vous connaissent, qui vous estiment, qui vous soutiennent et qui, on pourrait l'interpréter comme ça, auraient plus tendance à être à vos côtés en cas de coup dur. Oui, alors en fait, quand on recherche un succès, ce n'est pas le succès commercial qui nous aligne, c'est multiplier les impacts. C'est-à-dire que, alors moi je suis totalement là sur ce qu'on appelle les entreprises contributives à impact ou à mission, on appelle ça comme on veut, on parle tous de la même chose, mais l'idée c'est vraiment de calculer quel est notre impact. Et ce que l'on peut déplorer parfois, c'est d'avoir un excellent livre qui pourrait avoir de l'impact sur la société et faire réfléchir les gens. Et si t'en vends que 1000 ou 2000, tu dis c'est dommage, si on avait vendu 100 000, on aurait touché plus de 200, 300 000 personnes par effet de circulation du livre. Et donc, c'est comme ça qu'on voit les choses. Et quand je te dis on vend 10 000, 20 000, 30 000, oui, il y a l'aspect commercial au sens où ça permet d'avoir une trésorerie qui paye tout le monde et qui permet de payer les gens décemment. Et ça, pour nous, il n'y a pas de sujet là-dessus. on négocie jamais nos tarifs avec nos prestataires. Mais au-delà de ça, c'est avoir de l'impact. On serait très fiers d'avoir un livre qui contribue à faire prendre conscience aux gens d'un sujet précis qui bouge. Les Utopiennes, par exemple, sur les récits de 2043, s'il peut tomber dans les mains de scénaristes, de réalisateurs, d'acteurs, d'artistes, et qu'ils en fassent quelque chose qui aura beaucoup plus d'impact que nous pouvons avoir, bah c'est bingo, quoi, c'est gagné. Et après, là où je te rejoins sur le modèle économique, le modèle économique des maisons d'édition comme nous, c'est peut-être effectivement d'avoir un écosystème de gens qui nous aident, ce qui est le cas aujourd'hui en 2023 et en 2024, et qui nous permet d'avoir ces impacts. Parce qu'on sort de la logique uniquement rentabilité avec investissement. Des gens qui investissent pour de l'impact et pas pour avoir un gain financier derrière. Petite parenthèse, tu parles des Utopiennes, donc c'est des nouvelles de 2043 qui sont proposées par, j'allais dire 40, 50 auteurs, mais je me trompe peut-être, tu as le chiffre exact en tête ? 27 auteurs de mémoire, dont tu fais partie d'ailleurs, avec ton texte sur le service utopique, et je te remercie. Et les Utopiennes, oui, c'est vraiment apporter des nouvelles du futur en disant, genre, bah, regardez, depuis 2043, les Utopiens et les Utopiennes nous écrivent. Ils nous disent comment se sont passées ces 20 dernières années, et accrochez-vous, ça va être super 2043, parce que finalement, ça se passe bien pour eux. Beaucoup de choses ont bougé en 20 ans. Donc c'est une vraie bouffée d'espoir dans cette obscurité ambiante. On se rend compte que tout n'est pas écrit, tout n'est pas foutu, et qu'il y a encore beaucoup de voies de résilience, mais aussi d'initiatives. Il y a beaucoup de choses à saisir pour transformer l'état actuel du monde en quelque chose de viable et de désirable. C'est sorti en octobre 2023 et si vous voulez être cohérent jusqu'au bout, vous allez le chercher sur Place des Libraires ou chez Mon Libraire ou vous allez directement chez votre libraire à vous et vous lui demandez de commander le livre et pas qu'en un exemplaire pour vous, en plusieurs parce que ça vaut vraiment le coup d'être lu. Je disais en introduction qu'on allait parler d'humilité parce qu'il y a une question aussi que j'avais envie de te poser avant qu'on parte en 2030 glorieuse et t'as commencé à l'effleurer cette notion d'envie d'avoir de l'impact et de temps en temps d'avoir le sentiment d'un grand gâchis. Moi, pour partir de mon cas personnel, j'ai l'impression que meilleurs mes livres sont et moins j'en vends. et j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même, sur est-ce que c'est de l'ego, est-ce que c'est au contraire une envie d'impact que de vouloir les porter le plus haut possible, ces livres. Et quel travail on fait par rapport à ça du côté de la mer salée pour dire que finalement, peut-être que 10, 20, 50, 100, 1000 vies touchées par un livre, c'est ça le plus important. Comment on arrive à être ambitieux au service de sa cohérence et pas l'inverse ? Mais en fait, c'est un travail qui à la fois, j'ai envie de te répondre de manière très personnelle, de manière collective, de manière personnelle. Moi, ça fait longtemps que j'ai lâché le mythe du Messie qui va sauver le monde. Aucun de nous ne changera le monde. Chacun peut contribuer. Mais il n'y a pas de recette miracle et personne ne portera la recette. Et il ne faut pas tomber dans ce piège de l'ego où chacun pense qu'il a écrit le livre qui va réveiller tout le monde, le livre qui va soulever les peuples, le livre qui va faire l'histoire. Ça, j'y crois pas un instant. Donc derrière, il y a une sorte de lâcher prise où tu mets beaucoup d'intention dans ce que tu écris, tu mets beaucoup d'amour, tu mets beaucoup de réflexion, tu mets tout ce que tu as dans tes tripes. Mais après, il y a un lâcher prise où le livre ne t'appartient plus. Une fois qu'il est publié, il doit vivre sa vie, et s'il doit passer de main en main et être lu par des centaines de milliers de personnes ou par des dizaines de milliers de personnes, tant mieux, ça veut dire qu'il aura atteint son objectif. Et si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave, parce que tu as écrit ce que tu avais à écrire, tu as dit ce que tu avais à dire, et s'il y a une personne que ça permet de changer de vie, ou de s'engager et de faire des choses utiles pour la collectivité, l'objectif est atteint. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir en tête, je pense, et ce n'est pas de la fausse humilité, c'est que moi, il suffit qu'une personne me dise « j'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit » ou « j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit » et ça m'a permis de réfléchir et de changer quelque chose dans ma vie. Je me dis « voilà, je ne me suis pas déplacé pour rien, je ne l'ai pas écrit pour rien ». Et après, comme tout le monde, on a envie d'avoir plus d'impact. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on va avoir plus d'impact, effectivement ? Est-ce que c'est égotique ou est-ce que c'est parce que sincèrement, on a envie que le monde change ? Ça, c'est les conversations que vous avez collectivement. Comment vous faites pour régulièrement vous mettre à jour, garder votre envie d'ambition aux éditions de la Mer Salée, tout en cultivant cette humilité, ce sentiment de laisser aussi, comme tu le dis, aux livres faire leur vie ? Mais en fait, on n'a pas l'ambition de développer au sens économique la Mer Salée, comme certains pourraient penser, oui, on va publier 10 livres, 20 livres par an, non, jamais. Nous, pour nous, c'est clair, on en fera 5, pas plus. Pourquoi ? Parce qu'on est une petite équipe, qu'on n'a pas vocation à être à 20 personnes ou 10 personnes, et qu'à partir de là, ce moment-là, 4 à 5 livres par an, c'est déjà beaucoup. Surtout quand on fait un travail d'éditeur, d'accompagnement des écrivains, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux le manuscrit, donc ça prend énormément de temps. Et partant de là, donc on sait que si je parle dans le langage du monde d'hier, le potentiel de croissance en surface est limité. Par contre, on veut avoir de l'impact. et on va avoir de l'impact parce qu'il y a une urgence à ce que les choses bougent, et donc on veut jouer notre partition. Mais pas jouer notre partition par ego, on la joue parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que quand tu vois des choses, quand tu sens des choses, quand tu as une intuition forte sur ce qui pourrait arriver, mais tu as envie d'alimenter cette intention, cette intuition, pour que les choses prennent forme, et on n'en verra peut-être pas la fin, c'est comme les bâtisseurs de cathédrales, mais c'est pas grave. Parce que l'idée, c'est que ce qui donne du sens à cette action, c'est de prendre du plaisir dans ce que l'on fait au quotidien, et que ce soit cohérent avec ce que l'on veut porter. Et partant de là, on agit. On va rester là-dessus dans le présent sur cette dernière phrase que tu nous offres, Yannick, avec en plus une petite transition, puisque le temps de partir en 2030 glorieuse, tu nous fais un cadeau, et qui de mieux placé qu'un éditeur utopiste, un éditeur engagé, pour nous livrer un des passages qui, pour lui, dans les livres qui l'ont entouré toute sa vie, recèle des visions des 2030 glorieuses. Et tu vas nous faire la lecture de quoi, toi ? Alors en fait, quand tu m'as posé la question, je me suis dit quels sont les livres que j'ai beaucoup aimés, qui sont vraiment dans une utopie. Et au-delà des nôtres, et tu en as déjà parlé, donc j'en ai pris un chez un autre éditeur, rue de l'Échiquier, c'est Écotopia, qui est assez classique. Hein. Mais ce qui est très intéressant avec Écotopia, c'est que c'est un livre qui a été publié, si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de chercher la date, en 1970 ou 73, donc c'est dans les années 70. Et la vision d'Ernest Kallenbach était incroyable, la vision du futur, parce que c'est exactement ce qu'on souhaiterait réaliser les uns les autres aujourd'hui, en fait. Il parlait déjà de décroissance, de transition énergétique, de transformation du bâtiment, de réconciliation avec la biosphère, d'un amour du bois, donc des charpentiers qui construisent avec amour, qui respectent l'arbre, d'une société où on travaille moins. Donc là, c'est un passage sur le fait qu'on travaille moins qui m'intéresse. Pour la plupart des Américains, les écotopiens sont des gens paresseux et indolents. Telles étaient nos conclusions après la déclaration d'indépendance, quand ils ont adopté la semaine de 20 heures. Pourtant, à mon avis, personne en Amérique n'a vraiment compris la rupture radicale que cela représentait avec notre mode de vie. Aujourd'hui encore, on peut s'étonner que le gouvernement écotopien, dès sa prise de pouvoir, ait réussi à faire appliquer une mesure aussi révolutionnaire. Ce qui était en jeu, soutiennent les écotopiens avisés, n'était rien de moins que l'abrogation de l'éthique protestante du travail sur laquelle l'Amérique a été bâtie. Les conséquences furent très lourdes. En termes économiques, l'écotopia dut renoncer à rivaliser avec des peuples travaillant davantage. L'industrie connut une crise durable. Le produit national brut chuta de plus de 30%. Mais les effets les plus notables de cette semaine de travail réduite à 20 heures furent d'ordre philosophique et écologique. L'homme, affirmaient les écotopiens, n'est pas fait pour la production, contrairement à ce qu'on avait cru au 19e siècle et au début du 20e. L'homme est fait pour s'insérer modestement dans un réseau continu et stable d'organismes vivants, modifiant le moins possible les équilibres de ce biotope. Cette approche impliquait de mettre un terme à la société de consommation, tout en assurant la survie de l'humanité, ce qui devint un objectif presque religieux, peut-être assez proche des premières doctrines du salut chrétien. Le bonheur des gens ne dépendait plus de la domination qu'ils exerçaient sur toutes les créatures terrestres, mais d'une coexistence pacifique et équilibrée avec elles. Merci pour ta lecture, Yannick. Et ben justement, on est en 2030 glorieuse, le chaos financier a été organisé et donc on a réussi à faire en sorte que nos boussoles soient orientées vers le retour de l'humanité parmi le vivant, pour le vivant, par le vivant. Et donc on a encore beaucoup de choses à résoudre, mais on sent que les énergies vont dans le même sens, on sent qu'on prend enfin la hauteur des enjeux et qu'on s'y met à cette hauteur. On va discuter des 2030 glorieuses qui vont nous appartenir le temps d'une conversation et qui vont en fait exister grâce à nous. Et donc l'objectif, c'est de parler depuis les 2030 glorieuses au présent pour les personnes qui nous écoutent et qui, elles, sont restées désespérément bloquées à l'époque de notre interview. Tu t'en rappelle peut-être en 2023. Ma première question, c'est toi qui es en 2030 glorieuse, tu regardes sans doute par la fenêtre de ton bureau, de ton salon, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois ? Ce que je vois, c'est une vie beaucoup plus apaisée, où la nature a repris beaucoup plus de place dans notre quotidien, dans nos villes, autour de nous. Je vois des gens beaucoup plus lents, beaucoup plus posés, beaucoup plus calmes, car ils ont changé de rythme de vie, c'est-à-dire que le travail n'est plus la pierre angulaire d'une vie, c'est juste une activité parmi bien d'autres, puisqu'en 2030 glorieuse, il faut savoir qu'on est à la semaine romaine, c'est-à-dire qu'on travaille de 7h à 12h le matin, et puis l'après-midi on fait autre chose. L'Empire romain a très bien réussi, alors certains me diront, oui ils avaient des esclaves, ben, nous en 2030 on a pas mal d'algorithmes qui nous permettent de suppléer à nos besoins quotidiens et de faire des tâches qu'on n'a plus besoin de réaliser. Je vois aussi des nouvelles constructions, on va dire, biophiliques, qui sont en train de sortir de terre, construites en bois, capables de réagir aux rayons du soleil. Je vois de plus en plus d'espèces animales et végétales qui reviennent, alors qu'on les croyait disparues. Et puis, si je vais un peu plus loin, je dirais que philosophiquement, on a enfin écouté nos amis des peuples natifs, les peuples premiers, qu'on a considérés comme des sauvages au 19e et au 18e siècle, et qui nous permettent de régénérer la nature, car eux savent comment on peut faire du bien au vivant et comment on peut régénérer le vivant, chose que les Occidentaux et tout le courant de pensée occidentalisée qui s'est traduit à partir du 19e et du 20e a complètement perdu. On a perdu cette capacité, donc grâce à eux, on retrouve les moyens de revitaliser la Terre et de la soigner. Ils nous passent ces informations, ces savoirs ancestraux de différentes manières, par des interviews, des documentaires. On les entend désormais plus souvent à la radio et on les voit à la télévision. Mais en réalité, là où ils ont le mieux transmis leur savoir, c'est dans les livres. À tel point qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il y a une dizaine d'années en arrière, on avait peur des écrans. On disait que nos vies étaient aspirées par nos écrans. Aujourd'hui, il y a un débat qui monte qui dit que nos vies sont aspirées par nos pages, par nos livres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce débat ? Je pense que le livre, laisser consacrer beaucoup de temps au livre, c'est quelque chose d'extrêmement sain, puisque depuis la nuit des temps, les êtres humains qui ont passé du temps sur du livre ont fait naître, ont accouché d'idées nouvelles. Et donc, c'est une activité plutôt saine et pas du tout toxique. Contrairement aux écrans où là, on était passif, on faisait pas trahir l'imaginaire, on consommait une réalité qui était brutalement apportée au regard du consommateur sans lui donner la capacité de la mettre en forme. Alors que le livre te laisse aujourd'hui le choix d'imaginer ce que tu lis et de créer cette réalité par l'imagination. Et puis, une chose en 2030 qui est devenue une réalité, c'est que les écoles ont changé, que les enfants vont dans la nature. Car l'un des problèmes qu'on avait en 2020-2023, c'est qu'on parlait de sauver la nature, etc., mais les gens étaient complètement déconnectés, les enfants n'allaient jamais dans le vivant. Ils observaient rarement les insectes, ils observaient rarement les arbres, ils les voyaient, mais ils les observaient pas. Et aujourd'hui, on a écouté la pensée Cogiz, les Amérindiens de Colombie, qui nous disaient, mais il faut que vos enfants aillent dans la nature pour qu'en deux générations, ils retrouvent cette vibration que nous n'avons jamais perdue, nous les Amérindiens, et que vous avez perdu cette vibration animale. Et je suis très heureux de savoir que nos enfants commencent à retrouver des choses, à ressentir des émotions et des vibrations que nous ne ressentions pas en 2020. Et ça donne beaucoup d'espoir pour le futur. Tu parlais tout à l'heure, en nous livrant ce que tu voyais par la fenêtre d'une nature apaisée, tu as utilisé le mot d'apaisement, si je ne dis pas de bêtises, dans le milieu du livre qui était... le sujet dont on parlait en début d'interview, il y a aussi une situation plus apaisée. Comment tu la qualifierais, la vie du livre aujourd'hui en 2030 glorieuse ? Bah pour moi, on produit moins. On n'est plus dans l'hyperproduction, on est dans une production raisonnée, raisonnable. C'est-à-dire que les grands éditeurs ont peut-être périclité pour certains du fait de la crise financière qui a eu lieu, mais ceux qui sont encore là, petits, moyens et grands, ont compris que leur rôle n'était pas forcément d'inonder les rayons de millions de livres par an, mais de sortir des livres qualitatifs, qui avaient de l'impact, qui étaient divertissants, qui faisaient du bien, parce que on peut lire un livre qui nous fait du bien, on n'est pas obligé de lire des choses compliquées et intellectuelles tout le temps non plus, il faut aussi des choses légères, mais qui peuvent être impactantes aussi, qui sont utiles. Et on est dans un marché beaucoup plus serein, où les libraires peuvent laisser le livre 6 mois sur une table, pour que les gens le découvrent, ce qui n'était pas le cas en 2023, puisqu'il est resté 3 semaines en moyenne. Et puis au bout d'un mois, il finissait sur la tranche dans un rayon. Puis au bout de 3 mois, vous le renvoyez parce qu'il était plus vendable. Voilà, tout ça a changé. On est revenu à une économie du temps long, la slow economy, dont on parlait beaucoup en 2020. Et cette frugalité est à tous les niveaux. Et on est capable de produire avec discernement et de ne plus gâcher. Donc le livre est redevenu précieux. On a eu une convention citoyenne pour la juste valeur des choses. Et s'il y a des métiers qui ont été revalorisés, et on parlait à l'époque de premier de corvée pour montrer à quel point il y avait des personnes qui étaient centrales dans le fait de vivre des vies de qualité. Là où on a été beaucoup surpris, c'est à quel point aussi, lors de cette convention, les gens nous disaient toute l'importance du livre avec la nécessité de lui redonner ses lettres de noblesse au livre. Aujourd'hui, on voit plus de livres dans des magazines d'architecture. Chacune des pièces est décorée de livres. On voit dans les films des gens qui ont des livres à la main, on a des livres partout, pour tous, pour toutes, tout le temps. Complètement, c'est-à-dire qu'il a repris sa juste place, c'est-à-dire qu'on a compris que cet objet était extrêmement puissant. Et d'ailleurs, ce qu'avaient bien compris certains tenants du capitalisme débridé dans les années 90-2000, je me rappelle cette phrase que j'avais lue où quelqu'un disait « Dans les dictatures, on brûle des livres, on fait des autodafés. Dans les démocraties, on étouffe, on noie les bons livres » sous la quantité de livres médiocres. Et je trouvais ça assez juste, parce que en 2020, quand tu sortais un livre à impact, un livre de réflexion qui était bousculant, interpellant, qui pouvait être un coin mis dans un raisonnement et donc, par effet systémique, participer au changement du monde, bah souvent il était relégué au fin fond du tiroir d'un libraire, parce que le pauvre croulait sous des publications qui ne cessaient d'être déversées dans son magasin, et donc il y avait peu de place pour ces livres. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on a relégué, n'entre plus dans les librairies, des livres futiles qui sont, je pense aux mémoires de nos hommes politiques, et nos femmes politiques, qui se vendaient à l'époque à des centaines de milliers d'exemplaires. Non, ça y est, on a remis en avant les livres que le public plébiscite, que des prix, bien sûr, peuvent plébisciter, mais que le public plébiscite et que les libraires plébiscitent. Et ça, c'est très important. Comment vous avez vécu le fait d'être a posteriori acclamé par votre travail visionnaire de ces fictions utopistes qui n'en étaient pas réellement, et de voir aujourd'hui que les livres de la mère Salée sont parfois au programme de l'éducation nationale? Bah, ça nous a fait plaisir, parce qu'il ne faut pas gâcher non plus le choix de célébrer quelque chose. C'est-à-dire que quand on croit une idée et qu'on voit qu'elle prend forme, bah, c'est toujours très satisfaisant et ça fait du bien, et ça, faut l'accepter. Après, quelque part, on était convaincus en 2020 que de toute façon, c'était le sens de l'histoire. Et là où je suis très heureux en 2023, c'est de me rendre compte qu'on n'est pas les seuls. C'est que c'est devenu général. C'est que le sillon qu'on a creusé, on était quelques-uns à le creuser à l'époque, c'est devenu le mainstream, c'est devenu la norme, et il n'y a plus de débat. Et ça, c'est vraiment très, très satisfaisant, parce que c'est ça l'objectif qu'on avait en 2020. C'était pas du tout d'être les premiers, les leaders, les seuls. C'était d'entraîner un mouvement culturel, social, et de faire partie de tous ces acteurs qui, de manière marginale et dispersée, étaient en train de contribuer à quelque chose d'autre, sans parfois se connaître, sans parfois se parler. Mais on avait conscience qu'on n'était pas les seuls. Et c'est une belle satisfaction de se rendre compte que bah, finalement, ça valait le coup de le faire, parce que ça n'a pas toujours été facile. Et à la fois, d'être validé, d'être acclamé, j'ai pas l'impression que ce soit trop votre truc. Et donc, l'idée d'être maintenant mainstream, j'ai pas l'impression que vous arrivez à vous en satisfaire. Est-ce que je me trompe? Et si je me trompe pas, vous pouvez me raconter, tu peux me raconter comment vous faites pour rester précurseur, éclaireur dans le milieu du livre, mais peut-être pas que d'ailleurs. En fait, avec Sandrine, on continue toujours à chercher les idées de demain, parce que c'est ça notre ADN, c'est-à-dire que je crois qu'on a tous les deux une forte intuition depuis le début, on sent des choses qui sont sur le point de se cristalliser, de se densifier dans la réalité, dans la matière. Là, je m'approche du quantique, hein, et de cette capacité à densifier des intentions. On a toujours senti ça, donc on continue, parce que 2030, glorieuse, on n'est qu'à la moitié du chemin, hein, on n'a pas fini. Et puis, je te rappelle que les tenants d'un autre monde plus mortifère sont toujours en embuscade et sont toujours prêts à reprendre du poil de la bête, donc faut pas baisser la garde, faut continuer à alimenter la lumière, la nourrir, pour que la lumière remette l'obscurité à sa place. Donc il y a ça, d'une part, et d'autre part, ce qui est très réjouissant et très impactant, à mon avis, c'est de sortir du livre et d'irriguer tout le milieu culturel et le milieu social. Et si on doit être satisfait, c'est à nos auteurs qu'on revienne le mérite de ça. Nous, on n'a été que le trait d'union, que les artisans de leur mise en avant. Puisque finalement, en tant qu'éditeur, on ne fait que dénicher un auteur, le pousser à lui donner le meilleur de lui-même, mais c'est eux qui portent les idées. Donc c'est un travail d'équipe, quoi. Est-ce que finalement, vous n'avez pas dû élargir un peu votre spectre ? Tu parles de recherche quantique, je ne sais plus exactement comme tu le disais, mais est-ce que finalement, c'est pas aussi dans la physique, c'est pas dans la relation au temps que justement, on vise aujourd'hui les 2040, les 2050 glorieuses et qu'on se rend compte qu'on peut adresser le futur pour le modeler un peu à notre sauce depuis le présent ? Est-ce que la mer salée est un peu sur ces territoires-là maintenant ? Complètement. Depuis le début, on est persuadé que la fiction faisant la réalité de demain, quand tu émets une idée, quand tu crées un podcast, quand tu parles d'une idée, tu commences à la densifier dans ce qu'on appelle le multivers, donc quelque part dans l'espace, il y a plein d'idées, il y a plein d'informations, et le fait d'en parler fait naître une idée. Et cette idée, après, elle peut se densifier dans la matière, la frontière entre la pensée, la conscience et la matière est très fragile, c'est une frontière très fine, qu'on ne connaît pas bien en 2020, qu'on commence à mieux appréhender en 2030. Et aujourd'hui, on est tous convaincus, effectivement, que l'être humain a la capacité, individuellement et collectivement, de faire surgir dans la matière des idées. Ça paraît très farfelu de dire ça en 2020 quand on le disait, mais en 2030, on s'en approche parce que, autant les natifs le savaient depuis la nuit des temps, autant les occidentaux avaient besoin d'une démonstration physique, rationnelle, pour le comprendre. Ça, les grandes découvertes qu'on a fait dans l'infiniment petit et aussi dans l'infiniment grand nous ont permis de comprendre que le monde était plus vaste que ce que l'on pensait. Et aujourd'hui, nous, en 2030, à la mer Salée, on continue à cette contribution à faire en sorte, à cultiver des imaginaires pour que surgisse dans les prochaines décennies un monde de plus en plus réconcilié, régénérateur pour l'humain, pour le vivant dans son ensemble. Et donc, c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, en fait, parce que il n'y a pas de limite à la créativité et au désir des humains. Et donc, parmi vos auteurs, vos autrices, une nouvelle Einstein à l'avenir, alors ? Pourquoi pas ? Et tout ça, ce sont des rencontres. C'est-à-dire que là où je crois aux synchronicités, c'est que si ça doit arriver, ça se fera. Et c'est en cultivant justement cette envie que les choses changent en profondeur et de manière radicale que les rencontres se font. C'est pas l'inverse. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que les gens pensent qu'il faut attendre la rencontre salvatrice pour changer de vie ou pour entamer un projet ambitieux. Et non, en fait, c'est tout l'inverse. C'est parce que je me mets en mouvement que je crée les conditions du surgissement de l'improbable, du surgissement d'une rencontre inattendue, qui va être une synchronicité, c'est-à-dire qu'elle a du sens pour moi, mais pour moi seul, elle a du sens. Pour les autres, c'est un pur hasard. Pour moi, ça a un sens particulier. Et donc, c'est nous qui sommes les auteurs de l'inattendu qui va surgir. Donc, alimentons un inattendu positif, et les rencontres se feront, et les choses se matérialiseront. Et d'ailleurs, je me dédie au passage, l'actualité fait que, en fait, on l'avait peut-être déjà, notre nouvel Einstein, c'était notre Hubert Reeves qui s'est éteint il y a quelques jours au moment de l'interview et qui faisait partie de ces gens qui étaient à la fois capables de d'épaissir la physique et de poser des grandes questions tout en racontant des histoires simples qui nous reconnectent au vivant et de jouer sur une fibre émotionnelle dont on a de plus en plus besoin. Donc peut-être qu'en fait, c'est pas d'un nouvel Einstein dont on a besoin, c'est d'une nouvelle Hubert Reeves. Dernière question pour toi, Yannick, avant de revenir en 2023, mais en fait non, j'en ai deux. Tu disais il faut redonner de la valeur aux auteurs et aux autrices, il faut faire que les gens se rendent compte de leur importance. À l'époque, en 2023, ils avaient une toute petite part des droits, ils étaient assez peu mis en avant. Comment vous faites pour que ces auteurs ils soient plus célébrés, qu'ils retrouvent leur juste place en 2030 glorieuse? C'est en leur donnant plus la parole, je pense, en multipliant les canaux de prise de parole autour des sujets, que ce soit nous, ce qui nous intéressait en 2020, c'est que le livre, il a une vie au-delà du livre, c'est-à-dire que la pensée de l'auteur puisse s'incarner dans une pièce de théâtre, dans un film, dans un roman graphique. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire en 2030 glorieuse, ça y est, on est multicanaux, on va dire. C'est pas nous qui réalisons des films, c'est pas nous qui réalisons des pièces de théâtre, mais les auteurs sont au cœur et les livres sont revenus au cœur de la créativité, de la création. Et ça, c'est extrêmement important parce que du coup, c'est hyper satisfaisant pour un auteur de voir son idée se démultiplier sous différentes formes pour toucher un public de plus en plus large et surtout créer des émotions qui vont toucher des publics différents. Certains vont être touchés par la chanson, d'autres vont être touchés par une peinture, vont être touchés par un spectacle ou un film et d'autres par la lecture. Et ça, c'est très important d'avoir atteint cet aspect multidimensionnel. Toi, tu fais quoi en 2030 glorieux, Yannick ? En 2030 glorieux, j'ai 60 ans, parce que je suis né en 1970 quand même. Donc, et je pense que je regarde l'avenir avec sérénité et satisfaction en me disant qu'on a déjà fait un bon petit bout de chemin, qu'on a réussi une partie de la bascule. Mais je suis toujours aussi déterminé parce qu'il ne faut pas lâcher, ce n'est pas gagné. Il y a encore des travers dans lesquels on peut tomber, et puis il ne faut pas rêver, hein, les tenants de l'ombre et de l'obscurité sont encore en planque, là, ils ne vont pas lâcher le morceau tout de suite. Donc je suis déterminé à me battre toujours plus, ne jamais rien lâcher, ça c'est ma philosophie de vie, on ne lâche jamais, parce que jusqu'à la dernière seconde, il peut se passer un événement inattendu. Donc je continue à diffuser cette parole, notamment auprès des jeunes, parce que l'un de mes sujets de prédilection, c'est d'apporter de la lumière aux jeunes. Car en 2023, j'étais dépité par l'éco-anxiété, voire la résignation de certains jeunes de 20 ans qui ne voyaient pas qu'il était utile de se battre et de faire des efforts en ce sens-là. Je comprenais leurs raisons à eux, mais je ne comprenais pas qu'ils baissent les bras, parce qu'on n'a pas le droit de baisser les bras aussi jeunes, c'est pas possible. Et ça, c'est la responsabilité de leurs parents, des adultes, des gens de mon âge aujourd'hui, de leur ouvrir la porte pour qu'eux construisent l'avenir dont ils ont envie. Le leur, pas le nôtre. De retour en 2023, Yannick, on a toutes les personnes qui nous écoutent et qui se disent « Mais en fait, moi, des 2030 glorieuses où le livre a repris toute sa place, des 2030 glorieuses lumineuses, des 2030 glorieuses plus connectées au vivant, avec toutes les découvertes de la physique dont on a parlé, j'ai envie de les voir sans attendre, j'ai envie qu'elles adviennent avant les 2030 glorieuses. » Tu leur dis quoi? Tu leur conseilles quoi comme action, comme mouvement pour continuer à aller dans ce sens-là? De se mettre en action en ayant de l'ambition et de l'humilité. C'est-à-dire que l'action, c'est pas forcément réaliser quelque chose de grandiose, de national, avec une renommée internationale. C'est parfois agir sur son territoire, auprès de ses proches, auprès de son cercle d'influence, et accepter le fait que on va être un maillon d'une chaîne, mais qui nous dépasse totalement. Et c'est ça l'objectif, c'est de s'inscrire dans un mouvement qui nous dépasse, et de l'accepter dès le départ. Et du coup, il n'y a pas de petit projet ou de grand projet, donc j'ai envie de leur dire, portez un projet, mais et n'ayez pas peur de le porter, parce que je rencontre trop de gens encore en 2023 qui me disent « Ouais, mais on peut pas changer les lobbies, le système va pas changer. » Et en fait, je ne cesse de leur rappeler que l'histoire n'est qu'une succession de phénomènes inattendus, totalement improbables, première chose, et que les grandes bifurcations sont jamais prévisibles. Mais si ces bifurcations interviennent et qu'on est allé en 2030 glorieuse ou en 2043, c'est parce que des hommes et des femmes ordinaires se sont mis en mouvement et ont commencé à agir. Et c'est vraiment l'effet papillon de Lorenz. Le livre que t'achètes, les propos que tu tiens, l'action que tu vas mener dans ton quotidien, dans ton cercle d'influence, mais ça peut avoir des répercussions incroyables. Pour ma part, ça fait longtemps que j'enseigne, et je me dis toujours que dans la salle, il y a peut-être un jeune qui va faire un truc, un jour, qui aura une influence sur une autre personne, une quatrième, une cinquième personne, et c'est peut-être la dixième personne en bout de chaîne qui va vraiment être un élément transformateur. On l'aura tous été, mais notre rôle, c'est d'avoir impulsé quelque chose, parce que c'est une onde de choc qu'on envoie au monde. C'est comme le caillou qu'on jette dans l'eau, quoi. Ça fait une onde qui se diffuse. Et donc, il faut tous qu'on soit une onde positive et qu'on diffuse du positif autour de nous en étant réaliste. La réalité, c'est que ça ne va pas être simple. Mais si on baisse les bras, il ne se passera rien. Alors, on la connaît, la trajectoire mortifère. Donc, n'ayez pas peur de la lumière, n'ayons pas peur de tenter le coup, parce qu'au pire, ça marche et il faut le tenter. Il ne faut pas lâcher jusqu'au dernier moment. Quand bien même que la forêt amazonienne serait déforestée complètement, quand bien même que les guerres continueraient, il faut continuer. On ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas se résigner. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des enfants qui comptent sur nous. Quoi. On ne peut pas. C'est notre responsabilité. Et ça me renvoie une dernière chose, je suis un peu long, mais Aaron Jonas, grand penseur écologique, qui insiste sur le principe responsabilité. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et c'est de notre responsabilité d'agir en 2023 pour que les choses aillent mieux en 2040, en 2030 et en 2050. On ne peut pas faire autrement. Merci Yannick. Merci Julien. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !